Ouais. Ce moment de dédicace. Dédicace à tous mes blocs. Oh, dédicace à tous ceux qui savent. Tous ceux qui sauront. Tous ceux qui se reconnaissent, qui savent de quoi on parle. Tous ceux qui étaient là. Dédicace à tous mes blocs. Oh, les anciens. Les anciens, les nouveaux. Les aïeux, les ancêtres. Ouais, c'est pour vous, ouais. J'ai visé la gaillarde. Bouchny, la vaillante. Ouais, l'intégralité de ma cité. Garge les minots. Bouchetrie, la nave. Triage. Les mureaux. Encore mini label. Ligne 12. Le plissu, chemise. Cherche neuve. Les flicots. Les flicots, bar deuxième étage. Deuil, la Marshall. Foutrie, Sirvise. Madame Bavin, tu te reconnaîtras. Ouais, Madame Bavin. Les sacs de course, Madame Bavin. Numéro 2. Numéro 6. Bon alors, ouais, c'est pour Plachy. Berger. Pour tout Grouf. Camille Groot. Pour Pêcheteuse. Pour Pivani. Côté gros Millard. Westlac, côté Grand Millard, puis Biv, Nuchis Loutard, j'ai vers la Deuil, ainsi que les faubourgs, Nuchis Loutard, vers les Chevreuils, Mère la Chevreuse, Ticri, Ticri, ligne de bus de remplacement, Ticri, ligne 2, ligne 2, ligne 12, intersection, hier en Pouilly, pour tout câlin, Cabron, Mévaux, les Minots, Enchaîné Mignard, Clarido, ouais. Ligne 12, toi-même tu sais, ouais. Meffre, Jutsi Haut, Jutsi Village, Centre, Bibliothèque Municipale, ah, c'est pour tous les blocs, Demi-Val, Nostricouillard, Niveau Est, Bali 9, dédicace à toutes les écoles primaires d'Arrogan, Espace Socioculturel, Hôtel d'Autoroute, Sarchi, le rond. Ouais. C'est pour vous, ouais. Ouais. Tous ceux qui se sont reconnus. Tous ceux qui se reconnaissent. C'est une dédicace.